23-7, activation orale, politesse. Choisissez la meilleure réponse à donner dans les situations suivantes. Par exemple, vous entendez... 1. Excusez-moi. Et vous voyez sur votre feuille A. Il faut voir. B. Vous avez raison. C. Ne vous excusez pas, il n'y a pas de quoi. Et vous répondez... Ne vous excusez pas, il n'y a pas de quoi. Et vous entourez C d'un cercle. Allons-y. 2. Si Robert vous dit « Est-ce que je peux vous inviter à déjeuner ?» Qu'est-ce que vous répondez ? Trois. Vous êtes un bon vivant. On vous demande « Vous aimez manger dans les bons restaurants ?» Qu'est-ce que vous répondez ? 4. Vous êtes Robert. Vous voulez aller chez les Courtois. Mais vous vous trompez de porte. Le voisin des Courtois vous dit « Non, monsieur, madame Courtois, ce n'est pas ici, c'est la porte à côté. » Alors qu'est-ce que vous dites ? 5. Un ami vous dit « J'ai décidé de faire médecine. » Vous trouvez que c'est une excellente idée ? Alors qu'est-ce que vous dites ?